Dylan avec vous pour vous accompagner aujourd'hui. Soyez les bienvenus. C'est toujours un plaisir, évidemment, de vous retrouver comme chaque matin de cette semaine de Toussaint sur Énergie. Je remplace depuis lundi, c'est vrai, l'équipe du 6-9 qui, elle, eh bien, sera de retour bientôt, dans quelques jours, pour la semaine prochaine, lundi, à partir de 6h, avec, c'est vrai, pas mal de surprises pour leur rentrée. Ça, ce sera avant les vacances d'hiver. On y arrive tout doucement. On va se la jouer tranquille ce matin, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, bah oui, c'est vendredi. Ça, c'est la première bonne nouvelle, puisque dans quelques heures, on sera tous officiellement en mode week-end. Et la deuxième, bah, c'est qu'on a vraiment pas mal de bonnes choses à faire ce matin. Je viens de checker le programme. J'aurai notamment pour vous des places pour aller voir le Canadien Lenny Kim en concert à Liège et à Bruxelles. Les invitations, c'est sûr. Ça tombe ce matin dans le 6-9 de vacances. C'est grâce à la phrase énergie. Et puis alors, on reviendra aussi ce matin sur les Energy Music Awards. C'est déjà la 20e édition pour la cérémonie qui sera à suivre sur Énergie et sur TF1. Et alors, je vous propose, tiens, pourquoi pas, de démarrer directement votre première playlist de la journée avec l'un de mes hits préférés, c'est les Maroon 5 et Dinoro. Alors, pour les plus anciens qui nous écoutent, vous allez reconnaître le hit, l'ancien hit de Gigi D'Agostino. C'est un remix. Dinoro, c'est un DJ lituanien. Il était inconnu il y a quelques semaines et depuis qu'il a sorti ce hit, In My Mind, c'est devenu l'un des titres les plus joués par les DJ en Europe. Si avec ça, vous ne vous motivez pas ce matin, je ne sais rien faire pour vous. Soyez les bienvenus, il est 6h02, vous êtes dans le 6-9 des vacances, c'est énergie. 8 points de vente, 1000 voitures neuves et occasions en stock. Dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. Spent the late nights making things right.

Franchement, quoi de mieux que votre playlist énergie pour bien se réveiller? Bah, peut-être un animateur qui parle bien. Un animateur qui a déjà pris son café pour se réveiller. Il est 6h12 quasiment, vous êtes sur énergie. L'un des meilleurs DJ du monde. On écoutera Calvin Harris, le duo avec Sam Smith dans quelques minutes sur énergie. Et un petit coup d'œil tiens ce matin sur le ciel, une météo plutôt calme quand même ce matin avec des températures qui iront quand même jusqu'à 12 degrés un petit peu partout en Belgique aujourd'hui. Le temps apparemment devrait rester sec, c'est déjà ça, notamment pour les personnes, on pense à vous, hein, qui bosseront en extérieur. Bah oui, il y en a hein, ce matin, un petit peu comme les policiers, les ouvriers sur chantier, ils bossent dehors, il y a les gardiens de la paix aussi, on pense à vous, les jardiniers, voilà, toutes les personnes qui bossent dehors aujourd'hui. Temps assez sec, donc ça c'est la bonne nouvelle. Courage à vous d'ailleurs si vous êtes en partance là pour le boulot à cette heure-ci. J'ai de quoi bien vous motiver ce matin, c'est sûr. Qui plus est, parce qu'il y a certainement des nouveaux auditeurs qui ont rejoint Énergie aujourd'hui. Alors, je vous dis pas ça par hasard. J'avais envie de vous faire partager ce que j'ai vécu tout à l'heure. C'est assez particulier. En venant à la radio, dans ma voiture, entre 5h et 6h, il était, je crois, 5h15, parce qu'il faut savoir que je fais la route de Liège jusqu'à Bruxelles, hein, donc j'ai quand même une heure de route pour venir ici à la radio. J'ai réussi à faire la pub, la publicité d'énergie et du 6-9 sur une autre radio en Belgique. Je vous promets que c'est pas de la vanne, je vous promets que c'est vrai. J'ai récupéré l'extrait de cette fameuse autre radio et je vais vous faire écouter ça dans quelques minutes, juste avant les infos de 6h30, d'accord? Alors tiens, à votre avis, sur quelle radio j'aurais pu réussir à placer ma pub à 5h15? Je vous promets, franchement, si vous avez une idée, allez-y, vous l'envoyez par SMS au 3018, c'est 25 centimes le message, ou via la page Facebook Énergie Belgique. Sincèrement, celui qui arrive à trouver, avant la diffusion de l'extrait évidemment, je vous filerai un petit cadeau. Sur quelle radio j'ai pu réussir à faire la pub de l'émission du 6-9 sur Énergie? 3018 par SMS, allez-y si vous avez une petite idée, et nous on écoute l'extrait, donc justement le passage sur l'autre radio, d'ici quelques minutes avant les infos. Il est 6h13, vous écoutez Énergie. Salut, c'est Lenny Kim sur Énergie. Gagnez vos places pour les concerts de Lenny Kim à Liège et Bruxelles avec la phrase Énergie. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Énergie Belgique ou sur énergie.be. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. Je veux aller au concert de Lenny Kim avec Énergie. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de gagner vos places pour les concerts de Lenny Kim au Forum de Liège et au Théâtre Saint-Michel à Bruxelles. Energy Hit Music Only. Auto-yoga avec Corona Direct Assurance. Direct. Placez le poing à côté de votre tête, puis baissez le coude d'un coup sec. Voilà, c'est la posture. Yes! Moi aussi, je paie mon assurance auto au kilomètre. Et oui, si vous conduisez moins de 25 000 km par an, vous pouvez vous aussi économiser jusqu'à 50% grâce à l'assurance auto au kilomètre. Pour plus d'infos et calculer votre bénéfice, rendez-vous sur coronadirect.be. Corona Direct Assurance. Directement assuré, directement rassuré. Direct. Bon, mon cœur, il faut que je te parle. Assieds-toi. Deux places. J'ai envie d'un chien. Trois places. Un petit, hein. Un chihuahua. Deux places. Ou un bouvier bernois, si tu préfères. Trois places. Ou même un dog allemand. Quatre places. Ou alors un teckel, tu vois, les chiens saucisses. Cinq places. Mais vraiment, alors un long teckel. Six places. Alors? En fait, je préfère les chats. Place à l'inattendu, avec les canapés et convertibles de IKEA. Maintenant, avec 10% de réduction. Plus d'infos sur IKEA.be. IKEA, à chaque jour, c'est plaisir. Are you drunk enough now to judge what I'm doing? Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get

so matinée tout le monde, bon réveil, c'est énergie. Les DJ belges Dimitri Vegas et Like Mike à 6h25. C'est ce qui arrive pour vous juste après les infos de 6h30. Et tiens, on va revenir sur ce que j'ai dit. Je l'ai dit il y a quelques minutes. J'ai dit que j'allais vous partager avec vous ce que j'ai vécu sur la route de la radio tout à l'heure. Je vous avais demandé, tiens, de deviner sur quelle radio j'avais réussi à placer la pub du 6-9, la pub pour énergie, donc, sur une autre radio. Vous étiez énormément à avoir trouvé la bonne réponse. Non, justement, vous n'étiez pas beaucoup, en fait, à avoir trouvé la bonne réponse, c'est ça que je voulais dire, sauf le numéro qui se termine par 18, voilà. Tout le monde s'est trompé, sauf la personne qui a son numéro qui se termine par 18. Il a donc trouvé la radio sur laquelle j'ai pu placer ce matin la pub, que je me suis dit, tiens, voilà, on est entre nous. Je me suis dit que j'allais vous le partager ce matin. C'était donc sur Bell RTL. Eh ouais, la radio d'un petit peu plus âgé quand même. Il était 5h15. J'ai récupéré l'extrait pour vous et j'avais envie de vous le faire partager ici, puisque c'est la famille Énergie. Écoutez, ça s'est passé tout à l'heure. Evers, c'est Alphonse qui nous envoie ça, 7 degrés. Dylan, qui est animateur sur une radio à côté, tiens, c'est marrant ça. Il va faire 106.9 sur la radio à la Panthère, lui, apparemment. Dylan, il a trouvé 7,5 degrés ouais. Du côté de Liège. Eh, franchement, c'est pas la classe. Réussir à faire la promo du 6-9 sur une autre radio, là, si j'ai pas une augmentation de salaire, je comprends pas. Non, mais eh, franchement, un gros bisou en plus. Hein. Ils sont vachement sympas, en tout cas là-bas. On les embrasse évidemment. Il faut savoir que c'est une grande famille la radio hein. Et puis bah, finalement voilà, moi je suis comme vous dans la voiture hein. Quand on me demande d'envoyer un SMS, bah voilà, je le fais. Il n'y a pas de raison. Le vendredi qui démarre donc du coup avec des nouveaux auditeurs. Qui sait. Restez là, vous êtes sur la bonne radio. Il y a l'actu qui arrive. Et puis comme promis, le retour de votre playlist Énergie. On perd la mesure du temps. On attend, on s'y pas maintenant. Mais les pages qu'on tourne s'écrivent dans les tourments. On se laisse porter par le vent. On sait jamais dans quel sens. Si la route est longue, la vue en vaut la distance. Si on rêvait plus fort. Si on rêvait. attend, on se dit pas maintenant. Mais les pages qu'on tourne s'écrivent dans les tourments. On cherche un passage sans boussole, en dérapage, en survol. On prend les virages pour coller au sol. Y'a pas de stage, pas d'école. Alors on prend des notes au vol. Les photos de nous qui dénotent, on les décolle. On prend des notes au vol. Les photos de nous qui dénotent, on les décolle. On cherche un passage sans boussole. Les photos de nous qui dénotent, on les décolle. Goûtez notre nouvelle lasagne, élue par vous la meilleure de Belgique. Quoi de mieux que Com et à casa, à part la nouvelle lasagne bolognaise à casa. Que des DJ sur énergie. Martin Garrix arrive et Dimitri Vegas aussi. Yannick. Et oui, c'est moi. On a plus de 16 ans. Là. Bah, on ne sait plus comment s'habiller. Bah, en tout cas, ce matin, le ciel sera souvent gris avec des nuages et de la brume. Et dans le courant de la journée, le temps deviendra sec partout et progressivement ensoleillé. Les maxima seront compris entre 8 et 11 degrés. Ce soir, le temps restera sec et le mercure descendra à 0 degré. On reconnaît tous cette personne qui nous dit... T'as vu comment c'est comme ça avec le réchauffement climatique? On n'a plus de saison, c'est vrai hein. En général, c'est les personnes âgées, ouais. Oui, souvent, c'est les personnes âgées, j'avoue. Bon, allez, juste après la météo, compromis, c'est l'actu. Il est 6h30, vous écoutez Énergie, c'est avec Yannick Farkas. Bonjour et bienvenue, Yannick. Bonjour Dylan et bonjour à tous. Tihange 1 va redémarrer. L'Agence fédérale de contrôle nucléaire a donné son feu vert au redémarrage de la centrale. Le réacteur nucléaire est à l'arrêt depuis le 13 octobre pour maintenance. Le réacteur pourra donc redémarrer quand les derniers travaux de l'entretien seront terminés. La maintenance de Tihange 1 était initialement prévue du 20 octobre au 29 novembre. Si tout se passe comme prévu, le réacteur sera redémarré le 18 novembre. Pour rappel, 5 des 6 réacteurs du pays sont toujours à l'arrêt. À Liège, le PS et le MR négocient en vue d'une coalition. Après avoir écarté le PTB des négociations, le PS liégeois épingle dans un communiqué des divergences de vues importantes avec le CDH, principalement concernant les finances de la ville. Le PS fait par contre état de convergence avec le programme des écologistes, mais les deux parties n'ont pas une majorité suffisamment confortable. L'accord de majorité n'est pas encore signé, mais c'est bien une majorité rouge-bleu qui est en train de s'installer à Liège. Le président élu du Brésil, Jair Bolsonaro, a confirmé qu'il allait transférer l'ambassade du Brésil de Tel Aviv à Jérusalem, une mesure hautement polémique et déjà mise en œuvre par son homologue américain Donald Trump. Pour la communauté internationale, le statut de Jérusalem doit être négocié par les deux parties et les ambassades ne doivent pas s'y installer tant qu'un accord n'a pas été trouvé. Les Américains voteront bientôt pour élire leurs députés au Congrès. Jamais les femmes américaines n'ont été aussi nombreuses à se présenter pour une place de députée. Il y a 256 candidates femmes, il s'agit d'un record. Ce sont en grande majorité les démocrates qui veulent faire basculer la tendance au Congrès, aujourd'hui dominée par les républicains. Et pour l'instant, le Congrès compte seulement 20% d'élus femmes. Enfin, en football, c'était la fin de la 13e journée de championnat. Hier, Anderlecht a partagé l'enjeu face à Lokeren, un but partout. Et le Standard de Liège s'est incliné 3-1. À Zulte Waregem, ah si. Ah, ils étaient pas à Sclessin ? Ben non, c'était là-bas. Ah ben normal, attends, tu rigoles ou quoi ? Ils étaient pas à Sclessin. Il y avait pas la bière du stade. Non, non, ouais. C'était pas à Litch. Hein. C'était pas à Litch. Alors, on se retrouve à quoi ? À 7h ? C'est ça, tout à l'heure. Pour le prochain point sur l'actu. 8 points de vente, 1000 voitures neuves et occasions en stock. When I grow up, grab my

of you for nothing. I'm running, running just to keep my hands on you. There was a time that I was so blue. What I got to do to show you? I'm running, running just to keep my hands on you. Bon réveil tout le monde, si vous allez au boulot pour le moment, encore quelques heures à tirer avant le week-end. Je voudrais que ça dure 100 ans. Ah oui, moi aussi Amir, j'aimerais que ça dure longtemps. Cet aveu, cette envie de rêver. Je parle de l'émission évidemment, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Jusqu'à ce Amir, on va l'écouter pour la suite de votre playlist énergie ce matin. Vous gagnez vos places pour le concert énergie de Lenny Kim. Lenny Kim, il sera en concert dans le cadre de sa tournée. Il passera ici chez nous en Belgique. Deux dates à retenir. La première, c'est le 11 novembre à la capitale, à Bruxelles. Ce sera au Théâtre Saint-Michel. Et la deuxième date, ce sera 10 jours plus tard. Donc, pas le 11, le 21 novembre au Forum de Liège. Vous aimez Lenny Kim, vous aimez les concerts, vous êtes à Bruxelles ou à Liège, tout près. Bah, c'est fait pour vous. Grâce à la phrase énergie, on vous offre vos invitations. Et attention, c'est vendredi, ça veut dire que c'est le dernier jour pour vous inscrire. Et je vous le dis déjà, j'appellerai l'un ou l'une d'entre vous pour la phrase énergie tout à l'heure, avant 9h. Normalement, on ne le dit pas, mais je le dis parce que je suis sympa. La phrase énergie à retenir, c'est celle-ci. Je veux aller au concert de Lenny Kim grâce à énergie. Si on vous rappelle et que vous donnez la phrase à l'antenne, ça sera gagné. Pour ça, il faut vous inscrire. Rendez-vous dès maintenant sur énergie.be. Dans l'onglet, phrase énergie, vous vous inscrivez. Ou via l'application pour smartphone, vous téléchargez énergie Belgique. Allez le faire maintenant, puisque je vous ai dit que j'allais vous appeler avant 9h.

Énergie. Trop cool, c'est vendredi matin qu'on passe ensemble. Je m'appelle Dylan, c'est le 6-9 des vacances qui continue en direct jusqu'à 9h. Chez Shoe Discount, un tas de chaussures et de vêtements tendance, maintenant à 20, 15 et même 10 euros. Aussi sur shoediscount.be. Bon réveil, belle matinée avec nous, il y a David Guetta qui arrive. C'est sur Énergie et avant l'actu, on y va pour la météo. On ne sortira pas le parapluie, je pense, aujourd'hui. Ouais, pas ce matin en tout cas. Le ciel sera souvent gris avec des nuages bas et de la brume. Dans le courant de la journée, le temps deviendra sec partout et progressivement ensoleillé. Les maxima seront compris entre 8 et 11 degrés. Ce soir, le temps restera sec également et le mercure descendra à 0 degrés. Il est 7h et toute l'actu, c'est avec Yannick Farkas ce matin. Bonjour Yannick. Bonjour Dylan et bonjour à tous. Bpost a annoncé 5 jours de grève tournante. Le mercredi 7 novembre, les centres de tri seront à l'arrêt. Le 8, ce sera le transport du courrier. Le lendemain, c'est la distribution du courrier qui sera à l'arrêt. Et enfin, pour les deux derniers jours, les guichets seront en grève. Avec cette succession de grèves partielles, le courrier risque d'être fortement impacté. Les syndicats dénoncent un manque de personnel et une surcharge de travail. La Belgique fait face à une pénurie de médicaments. Ce sont les pharmaciens qui ont donné l'alerte, mais la ministre de la Santé, Maggie De Bloch, a voulu se montrer rassurante. Il y a certains manques, mais des solutions alternatives existent afin de traiter les patients de manière adéquate. Voilà ce qu'a déclaré la ministre. Le cabinet de Maggie De Bloch souligne par ailleurs que plusieurs pays sont confrontés également à l'indisponibilité de certains médicaments. Les autorités américaines ont renouvelé leur feu vert à l'utilisation d'un pesticide controversé. Cette décision est importante, selon le ministre américain de l'Agriculture, car elle permet, selon lui, d'offrir des options aux agriculteurs. Ce produit montre une grande efficacité pour tuer toute culture dans les champs. Le pesticide ne pourra par ailleurs être appliqué que par des personnes certifiées. Enfin, en football, c'était la fin de la 13e journée de championnat. Hier, Anderlecht a partagé l'enjeu. Face à l'Auckerhoen, un but partout. Le Standard de Liège s'est incliné 3-1. C'était à Zutoborg Game. À dans 30 minutes, Yannick. Merci beaucoup. Oui. 8 points de vente, 1000 voitures neuves et occasion en stock. I don't wanna lie, can we be honest? Right now while you're sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left, be alive today, with or without you, like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold, don't you ever leave me. Never see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. 'Cause I don't know if I would be alive today, with or without you, like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever.

light skin. I pull up on them, let them put the pipe in. But then I gotta dash like a hyphen. I bring the cake, let them lick the icing. Some little open toes through it, white men. Advising, yes, this ties in. None of you hoes will ever see my pen. Why you sell Nikki boot just to drive in? The way my foot ball, just give me the Heisman. Touchdown, touchdown, touchdown. Cause it's time to throw. Bonne matinée, bon réveil. Dylan avec vous pour la der des der du 6-9 des vacances. Toute l'équipe sera de retour lundi à partir de 6h sur Énergie. On est déjà le 2 novembre et j'ai jeté un coup d'œil sur le calendrier. Ça va vous faire juste trop peur. Il reste seulement 52 jours avant Noël et 59 jours avant la nouvelle année avant de passer en 2019. C'est incroyable. Ça passe trop vite. Axel Ingrosso pour la suite des hits sur Énergie. Et j'aurai pour vous le duo Vita et Slimane. A tout de suite. Vos stars préférées reviennent toutes à Cannes le 10 novembre pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Ça va à Cannes ? Énergie Music.

I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say, 'cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you. Fire like yours. No, it ain't over until she sings. Yeah. Right where you want it, down on my knees. You got me begging, pretty baby, set me free. 'Cause it ain't over until she sings. She sings. Come a little closer, let me taste your smile. Until the morning light, ain't no going back the way you look tonight. I see it in your eyes. I just need to get it off my chest. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. You should know that, baby, you're the best. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving niggas wrong. I do what they say I can't. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali. Ferrari, hop up the stoop, jump in the coupe, big dip on top of the roof, flexing on bitches as hard as I can, eating halal, driving a Lamb. So that bitch, I'm sorry though. Got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run this shit like cardio. In the chat, set a fire, you know I'm gang, gang, gang, gang. Drop the top and blow the brand. Woo. Woo. Oh, he's so handsome, what's his name? Yeah. I need the dollars to jump, beat it up like pinata. Turn the drops, close the curtains. Bad bitch, make you nervous. Chambean, pero no jalan. Tú compras todas las Jolambo, a mí me las regalan. I spend in the club, what you have in the bank. This is the new religion bank, el latino gang. Está toda servieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa. Ya mudé la Gucci pa' dentro de casa, yeah. Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah. Me gustan boricua, me gustan cubana. Me gusta el acento de la colombiana.

de Belgique. Quoi de mieux que comme et à casa, à part... La nouvelle lasagne bolognaise à casa. C'est vendredi, courage au boulot, bon réveil à tous les concernés, peut-être sous la douche encore en ce moment. Frottez, frottez. Avant de sortir de la douche, mettez le chauffage à fond, puisque finalement, c'est pas top top aujourd'hui. Enfin, on va pas trop se plaindre, c'est sec. Ouais, ça caille un peu quand même. Ce matin, le ciel sera souvent gris avec des nuages bas et de la brume. Dans le courant de la journée, le temps deviendra sec partout et progressivement ensoleillé. Et les maxima seront compris entre 8 et 11 degrés. Ce soir, le temps restera sec et le mercure descendra à 0 degré. Est-ce qu'une petite minute de retard s'est pardonnée? Oui, hein. Oui, t'es sûr? Bah, je suis pas ton boss, hein. Ouais. Tu en fais. Bah, tu sais quoi? Le prochain tour de l'actu sera 8h15. Ok. Allez, 7h31. Voici donc le tour de l'actualité de ce vendredi 2 novembre avec Yannick Farkas. Bonjour. Bonjour, Dylan. Bonjour à tous. C'est le moment d'aller chez le dentiste. Si vous voulez continuer à avoir vos soins dentaires remboursés l'année prochaine, il faut faire votre visite de contrôle avant 2019. La visite de contrôle permet en effet un meilleur remboursement par la mutuelle. Rappelons qu'il est conseillé d'aller chez le dentiste au moins une fois par an. Les rangs des enquêteurs de la cybersécurité se vident. L'unité fédérale de cybercriminalité devrait compter 44 enquêteurs pour fonctionner normalement. Mais il n'y a que 13 personnes pour l'instant, dont aucun francophone. Voir le nombre de cyber-enquêteurs baisser entre en contradiction avec les statistiques de cybercriminalité qui sont en hausse. Tihange 1 va redémarrer. L'Agence fédérale de contrôle nucléaire a donné son feu vert au redémarrage de la centrale. Le réacteur nucléaire est à l'arrêt depuis le 13 octobre pour maintenance. Le réacteur pourra redémarrer quand les derniers travaux de l'entretien seront terminés. La maintenance de Tihange 1 était initialement prévue du 20 octobre au 29 novembre. Si tout se passe comme prévu, le réacteur sera redémarré le 18 novembre. Pour rappel, 5 des 6 réacteurs du pays sont toujours à l'arrêt. Les Américains voteront bientôt pour élire leurs députés au Congrès. Jamais les femmes américaines n'ont été aussi nombreuses à se présenter pour une place de députée. Il y a 256 candidates femmes, un record. Ce sont en grande majorité des démocrates qui veulent faire basculer la tendance au Congrès, aujourd'hui dominé par les républicains. Pour l'instant, le Congrès compte seulement 20% d'élus femmes. Et enfin, en football, c'est déjà à l'ouverture de la 14e journée de championnat. Ce soir, Charleroi se déplace à Ostende. Et demain, ce sera le choc entre le leader Genk et son dauphin, le club de Bruges. Est-ce qu'on a une info énergie ce matin? Eh oui, on a une info énergie ce matin. Alors, tu veux ton jingle? Oui, il vaut mieux, oui. Jingle. L'info énergie. Qu'est-ce que tu crois? Première radio musicale européenne, ouais, ici. Hein, jingle de fou. En ici, plus. C'est énergie. Allons-y pour l'info. Alors en France, un joueur a gagné deux fois à l'Euro Million en jouant deux fois les mêmes numéros. Oh, il a remporté au total 395 000 euros. Un coup de chance assez fou. Alors les propriétaires du bureau de tabac où il a validé les grilles ont halluciné. On ne sait pas pourquoi le joueur a joué deux fois les mêmes numéros. En tout cas, le joueur est venu retirer son argent tranquille et il souhaite rester et discret. Alors toi, Dylan, je ne sais pas ce que tu ferais, toi, avec 395 000 euros. Bah, 395 000 euros, ouais. Ah, c'est... Enfin, c'est pas... Allez, excusez-moi, je vais le dire. Ouais, y en a... peux... À l'euro million, il y a moyen de gagner mais oui, beaucoup plus. Mais oui, c'est déjà pas ça. Mal. Ouais. Alors, 300 000 euros, franchement, j'investis dans l'immobilier. Dans l'immobilier, ah oui, comme bon ça, plan. Je peux... bon ça, plan. Je peux arrêter de travailler. Mais je viendrai quand même faire de la radio. Ouais, c'est un kiff la radio. Et toi, tiens, franchement, tu ferais quoi avec 300 000 euros? Moi, j'achèterais une maison, je crois. Une maison? Ouais, une 4 façades d'ailleurs. Ouais, ouais, il me semble. Quoi, ouais. Bah, tu m'invites dans la piscine? Ouais, je fais piscine, pool party et tout. Ouais, en fait, j'adore parce que Yannick Farkas, c'est le journaliste qu'on pense qui est très sérieux, mais en fait, il fait Projet X tous les week-ends. C'est ça. Merci Yannick, à tout à l'heure. À tout à l'heure. 8 points de vente, 1000 voitures neuves et occasions en stock. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, hate, hate, but we won't change, change anything at all. Our language, they say we're too savage.

But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You'll find another and you'll be just fine. Let her go. Pass like time, and they can't steal the love you're born to find. But nothing heals the past like time, and they can't steal the love you're born to find. I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go. Matinée, bon réveil, le 6-9 des vacances, 7h43, soyez les bienvenus sur Énergie. On écoute celle qui a sorti son album il y a 7h43. On écoutera Yana Kamoura. Ouais, elle a sorti son album à 00h01 ce matin, enfin cette nuit plutôt. Lana Kamourance, c'est le nouveau titre de son album. Bombardé, j'adore ça. On écoutera le nouveau, ses copines. Aya Nakamura dans votre playlist Énergie. Vous gagnez vos places pour le concert Énergie de Lenny Kim. Attention, j'annonce, c'est peut-être la dernière fois, c'est certainement la dernière fois que je vous en parle ce matin avant d'accueillir un ou une gagnante qui va donc repartir avec ses invitations pour aller applaudir Lenny Kim, le Canadien. Alors, deux dates, vous choisissez hein, par rapport où vous êtes en Belgique. Soit le 11 novembre du côté de Bruxelles, c'est au Théâtre Saint-Michel, ou alors le 21 novembre du côté de Liège, au Forum de Liège. Donc, alors, rapidement, allez vous inscrire puisque je vais faire le tirage au sort dans quelques minutes pour la phrase Énergie. Allez vous inscrire, ça prend 10 secondes, c'est gratuit en plus, franchement, vous perdez rien à part 10 secondes. Rendez-vous sur énergie.be ou sur l'application Énergie Belgique sur smartphone. Allez-y, allez vous inscrire. Une fois que c'est fait, vous aurez notamment noté votre numéro de téléphone. À ce moment-là, restez près de votre smartphone puisque si je vous rappelle tout à l'heure, il suffira de me donner la phrase Énergie et je vous la donne maintenant. Retenez-la bien ce matin. La voici, elle vous permet de remporter vos invitations. Je veux aller au concert de Lenny Kim grâce à Énergie. Je veux aller au concert de Lenny Kim grâce à Énergie. Je vous appelle avant 9h. Allez vous inscrire. C'est tout le mal que je vous souhaite. Téléchargez maintenant l'application Énergie Belgique et retrouvez plus de 15 radios thématiques inspirées par vous. Énergie Love, Énergie Latino, Énergie Rap FR et beaucoup d'autres comme Énergie Hit 2000. Revisitez les années 2000 et écoutez votre radio musicale thématique Énergie Hits 2000 sur l'appli Énergie Belgique et sur énergie.be. Votre train arrive dans 37 minutes et voici le son dont vous profitez quand vous n'avez plus de data pour écouter votre série préférée. Soit vous aimez écouter le de votre voisin, soit vous prenez un abonnement Aigle avec data illimitée pour 40 euros par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Dis, il paraît que les Écossais, ils portent pas de slip sous leur kilt. Bah si, ils en portent comme tout le monde. Je pense pas. On va checker. Ok. Avec Win for Life, toutes les excuses sont bonnes. Alors voilà, on est au Highland Games. Tu vas regarder? On va plutôt attendre un bon coup de vent. D'accord. Waouh! Ah ouais? Pas de slip? Ah bah non! Il y a déjà 13 gagnants Win for Life en 2018. En d'autres termes, déjà 13 personnes qui sont à l'aise pour le reste de leur vie. Win for Life. Chez Carrefour, nous pensons que tout le monde a droit au meilleur. Même ceux qui aimeraient que ce soit Black Friday tous les jours. C'est pourquoi nous lançons le Black Month, tout un mois d'offres exceptionnelles. Par exemple, jusqu'à samedi, tout le petit électro est en 2 plus 1 gratuit. Exclusivement dans les hypermarchés Carrefour et sur carrefour.eu. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Voir conditions en magasin. Without you, I'm gonna tear this city down. Without you.

You got me pity, pity, pity, baby, I want you. Na-na. Can't keep your eyes off my pity, daddy, I want you. Na-na. Drunk in love, I want you. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Oh, baby. So myself, if I do say so myself, if I do say so myself, hold up, stumble all in the house, time to back up all of that mouth that you had all in the car, talking about you the baddest bitch thus far, talking about you be repping that third, I wanna see all the shit that I heard, no I slink Clint Eastwood, hope you can handle this curve, four plague in a foyer, fucked up my Warhol, you gon' need G3, 4, 5, 6 flights, sleep tight. We sex again in the morning. Your breakfast is my breakfast. We gone in. We be all night long. Tiens, comme ça fait du bien. Gros classique de Beyoncé avec son mari Jay-Z, qui se sont d'ailleurs déguisés. J'ai vu ça sur Instagram, sur l'Insta de Beyoncé. Ils se sont déguisés en genre zombie, en mode athlétisme. C'est pas mal, c'est original. Il est 7h58. Je m'appelle Dylan, je remplace l'équipe du 6-9. Ils sont de retour évidemment lundi, en pleine forme à partir de 6h. On leur fait des bisous d'ailleurs à Marco Frisco et Jérémy. Ils nous écoutent peut-être en ce moment. Georges Ezra pour la suite des hits. Ce sera juste après le tour de l'actu à partir de 8h. Life potions. Lose my head for you. Countless times we catch the sunrise. Fix some scars we share with white lights. Lose my head for you. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. Suddenly doors just open wide. Doors open wide. Feel the smoke and let me love that fire. I don't need no memories. Pretty smoke and I'm floating higher. This madness over for me. Feel the smoke and let me love that fire. I don't need no memories. Pretty smoke and I'm floating higher. This madness over for me. Oh. You're so good for me. Love that fire. Allez, courage tout le monde. Si vous partez au boulot là pour le moment, si vous êtes sur la route, j'espère que c'est pas trop trop la galère, que ça sur autoroute ou dans les petites villes. On est tranquille, franchement, on se prend pas la tête. Et le vendredi, moi, je fais toujours semblant de bosser. Enfin, faites-le, vous allez voir, c'est beaucoup mieux. Juste regardez autour de vous, s'il y a le boss, hop, vous vous remettez devant le clavier. Chez Shoe Discount, un tas de chaussures et de vêtements tendance, maintenant à 20, 15 et même 10 euros. Aussi sur shoedescount.be.

here, and that's the deal, my dear. Trop trop bien. On se réveille ensemble sur Énergie. Soyez les bienvenus. Rita Ora arrive dans la suite des hits sur Énergie à 8h12. Avant ça, on offre du cadeau. On y va. Vous gagnez vos places pour le concert Énergie de Lenny Kim. Oui, grâce à la phrase Énergie, on va appeler l'un ou l'une d'entre vous. Vous êtes inscrit durant toute la semaine sur énergie.be et sur l'application également Énergie Belgique sur smartphone. On y va, on vous offre vos invitations pour aller voir ce Canadien en concert. Il y a deux dates, une à Bruxelles et une à Liège. Je suis en train de composer le numéro de téléphone. J'espère que je ne vais pas me gourer parce que sinon ce serait quand même bête d'appeler Mamie Simone pour lui offrir les places pour les Nikim. On y va. C'est parti, on appelle chez l'un ou l'une d'entre vous. Ce matin à 8h12 pour vous offrir les places pour les Nikim, on y va. Attention, bon, il va falloir que ça réponde évidemment. Allô. Bonjour. Je veux aller au concert de les Nikim grâce à Énergie. Direct comme ça toi. Ben oui, j'écoutais la radio. Ah, t'écoutais la radio justement, donc tu sais qui t'appelle. Oui, je déjeune avec ma maman. Très bien. Est-ce que tu sais me redonner beaucoup plus calmement la phrase Énergie, t'as été trop vite. Donc, je veux. Ouais. Aller au concert. Ouais. Ouais. À Énergie. Tu t'appelles comment? Alexandra. Alexandra. Les places pour aller voir Lenny Kim en concert, c'est gagné! Bravo! Merci, merci beaucoup. Eh ben voilà, Alexandra, merci. T'as bien noté la phrase Énergie, t'as juste fait mais tout parfaitement, t'écoutais en plus la radio. Ah, c'est fou ça. Alors Lenny Kim, il est beau gosse ou pas? Oui, un peu jeune, mais ça va. Ah ouais, dis-moi, t'as quel âge toi? 21 ans. 21 ans, Alex. Bon, il a 17 ans, encore une petite année à patienter, pourquoi pas. Très bien. Mais t'es fan comment, Alex? C'est-à-dire quoi? T'as le fond d'écran Lenny Kim, t'écoutes la radio pour Lenny Kim? Comment ça se passe? J'écoute sa musique, pas le fond d'écran, mais j'aime bien sa musique, ça me plaît. Tu n'as pas la sonnerie polyphonique? Non, ça marche pas non plus. Pas ça. Très bien, Lenny Kim, les amis, c'est ça. Allez, chante-moi un petit peu, Alex. Vas-y, c'est le matin, vas-y, on se fait plaisir. Ouais, c'est pas grave, moi non plus, regarde, hein, mais on fait semblant, on fait du yaourt, regarde. Et ça ne peut pas, ceci, nanana, vie, ta vie. C'est pas mal, non? C'est pire que moi quand même. J'avoue. Bon, Alex, tu sais quoi, on va t'envoyer les places, tu vas assister au concert de Liège, toi, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Bah, ce sera le 21 novembre au Forum de Liège. Et pour ceux qui n'ont pas encore vos places, bah, restez là puisque la phrase Énergie, vous pouvez encore vous inscrire, énergie.be. On appellera encore quelqu'un tout à l'heure. Alexandra, je te fais plein de bisous. Éclate-toi bien là-bas. Merci beaucoup encore. Et je vais te poser une dernière question, Alex, du côté de Liège. Crie-moi le nom de ta radio préférée, c'est... Énergie. Chez Carrefour, nous pensons que tout le monde a droit au meilleur. Oui, même ceux qui mangent des kiwis à la pelle. Alors que c'est quand même plus facile avec une cuillère. Voilà pourquoi jusqu'à mardi, dans tous les magasins Carrefour, nos délicieux kiwis sont en 4 plus 4 gratuits. Carrefour, on a tous droit au meilleur. TF1. Dernières auditions à l'aveugle. Les coachs Amel Bent, Jennifer, Soprano et Patrick Fiori vont devoir sélectionner les derniers talents pour composer leurs équipes avant les battles. The Voice Kids, présenté par Nico Saliagas et Karine Ferry, ce soir à 21h. TF1, partageons des ondes positives. Linebacker a acheté des méga stocks. Du coup, vous recevez des méga réductions sur les meubles et les rideaux pendant les semaines méga réductions. Linebacker, le design pour tout le monde. Stop. Stop. Stop. Stop à la violence envers les filles. Maintenant, ne détournez pas le regard. Agissez et soutenez nos projets sur planinternational.be. Too vulnerable. That's not your fault. See, I wanna stay the whole night. I wanna lay with you till the sun's up. I wanna let you.

Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Énergie Belgique ou sur énergie.be. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. Je veux aller au concert de Lenny Kim avec Énergie. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de gagner vos places pour les concerts de Lenny Kim au Forum de Liège et au Théâtre Saint-Michel à Bruxelles. Energy Hit Music Only. Están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera, y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía. Hasta mi respirar, contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como Adderall. Contigo me sube el overall. Te toco y hasta el mundo deja de llegar. A nosotros ni la muerte nos va a separar. Dile que tú eres mía. Allez, bon app, si vous passez à table, c'est-à-dire que c'est peut-être l'heure du déjeuner. Pourquoi pas, tiens, entre le cook et la petite brioche. On va écouter dans un instant Tom Walker, Dinoro aussi. Et avant de sortir peut-être dehors, aller au boulot, ou pourquoi pas profiter, tiens, de votre jour de congé en monte-pont. Est-ce qu'on va bien pouvoir profiter aujourd'hui, tant au sec, si je ne me trompe pas? Ouais, c'est ça. Ce matin, le ciel sera souvent gris avec des nuages, mais dans le courant de la journée, le temps deviendra sec partout et progressivement ensoleillé. Les maxima seront compris entre 8 et 11 degrés. Ce soir, le temps restera sec aussi, le mercure descendra à 0 degré. 8h30, on y va pour finalement le dernier flash ensemble, Yannick. Ben oui, c'est ça, Dylan. À oui, partir oui. de lundi, ce sera le 6-9 qui sera de retour avec toute la team. On y va pour l'actu. Bonjour Yannick. Bonjour Dylan, bonjour à tous. On commence par cette info trafic. Un accident a eu lieu sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur du carrefour Léonard. La bande d'arrêt d'urgence est fermée sur le ring de Bruxelles. La circulation est difficile. Selon une étude de la Ligue des Familles, 20% des parents se sentent au bord du burn-out parental. 87% des parents se plaignent de la fatigue. Face à ce constat, la Ligue des Familles a demandé aux pouvoirs publics et aux entreprises de réfléchir à une nouvelle organisation du travail. Être parent et travailler en 2019, c'est difficile pour la plupart des parents, selon l'étude. C'est le moment d'aller chez le dentiste. Si vous voulez continuer à avoir vos soins dentaires remboursés l'année prochaine, il faut faire votre visite de contrôle avant 2019. La visite de contrôle permet en effet un meilleur remboursement. Rappelons qu'il est conseillé d'aller chez le dentiste au moins une fois par an. Tihange 1 va redémarrer. L'Agence fédérale de contrôle nucléaire a donné son feu vert au redémarrage de la centrale. Le réacteur nucléaire est à l'arrêt depuis le 13 octobre pour maintenance. Le réacteur pourra redémarrer quand les derniers travaux d'entretien seront terminés. Si tout se passe comme prévu, le réacteur sera donc redémarré pour le 18 novembre prochain. Pour rappel, 5 des 6 réacteurs du pays sont toujours à l'arrêt. Des milliers d'employés de Google à travers le monde ont observé un arrêt de travail pour dénoncer la gestion du harcèlement sexuel au sein de l'entreprise. Ce mouvement social est parti d'un article du New York Times paru la semaine dernière. Le quotidien affirmait que Google avait couvert ces dernières années une série de cas de harcèlement sexuel impliquant des hauts responsables. Il s'agit du premier mouvement de cette ampleur au sein de cette entreprise, symbole de modernité. Enfin, en football, c'est déjà l'ouverture de la 14e journée de championnat. Charleroi se déplace au stand. Demain, ce sera le choc entre le leader Genk et son dauphin, le club de Bruges. C'est tout, c'est fini pour l'actu. Ben oui, c'est fini. Oh là là là là là là là là là là. Quelle tristesse. Yannick, c'était donc notre dernier flash. Oui, ah dernier oui. de la semaine, mais bon, par oui. après... Voilà, ouais, normalement, on devrait se retrouver en décembre, pendant les vacances de décembre. Oui, mais voilà. C'est vrai que, bon, c'est un petit peu triste, hein, on a passé une semaine ensemble. C'est émouvant. On était dans la galère chaque matin pour le réveil. Nos routes se séparent ici, Yannick. Ah, voilà. Ne rends pas les choses plus difficiles, s'il te plaît. On avait plein de projets, il faut le savoir. On avait acheté une maison ensemble. Les vacances auront eu raison de nous. Non, on te retrouve chez Khalid et Wendy, toi. Hein, ouais, c'est ça, à partir de lundi. L'après-midi, entre 16h et 20h. Bon, Yannick, bah, à la prochaine. Bah oui, toi aussi. Non sans larmes, évidemment. Allez, Dinoro, c'est ce qu'on écoute dans la suite des hits. C'est déprimant, cette musique. Hein. Bah ouais, bah bravo, t'as cassé l'ambiance, merci. Bah oui, hein. C'est ça, merci. Ouais. À bientôt, Yannick. À bientôt, ciao. 8 points de vente, 1000 voitures neuves et occasions en stock. Dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. Through your veins, now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking. Now these cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I'll leave the light on. Yeah.

fight the world, I fight you, I fight myself. I fight God, just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Life and living hell, puddles of blood in the street. Shooters on top of the building, government aid ain't relief. Earthquake, the body drop, the ground breaks. The poor run with smoke lungs and scarred face. Who need a hero? Hero. You need a hero, look in the mirror, there go your hero. Who on the front lines at ground zero? Hero. My heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle. Mass destruction and mass corruption, the souls of suffering men. Clutching on deaf ears again, rapture's coming. It's all prophecy, and if I gotta be sacrificed for the greater good, then that's what it gotta be. You won't pray for me. Take my pain for me. Save my soul for me. 'Cause I'm alone, you see. If I won't die for you, if I won't care for you, then I spill this blood for you. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey. Les hits les plus variés sont dans votre playlist énergie. À 9h moins le quart, on va écouter Que Black. Non, pour le débouter. Équilibré. Non, de l'oseille. Équilibré. Attends le jour de la paix. C'est l'un des titres, quand ça passe ici à la radio, qu'on met à fond, notamment dans l'open space, dans les bureaux, dans les studios. Dès que ça passe, toute l'équipe de la radio met à fond. Ah, ah, ah, équilibré. Petit conseil, faites pareil, vous allez voir, ça va être énorme. Votez pour vos stars préférées nommées au Energy Music Awards 2018. Ouais, il y aura pas mal de stars évidemment, comme pas mal de catégories aussi, plus de 10 pour récompenser les plus grandes stars de la planète. Nouvelle édition, et cette année c'est un petit peu spécial puisque c'est l'anniversaire des Energy Music Awards. C'est les 20 ans, 20e édition donc. On se donne rendez-vous depuis Cannes dans le sud de la France. Ce sera retransmis évidemment comme chaque année sur TF1 et en simultané ici à l'antenne sur Energy. Ce sera dans 7, 8, 9, ce sera dans 8 jours tout pile, le samedi 10 novembre. Vous allez voter dès maintenant, évidemment, hein, c'est disponible jusqu'à la veille, jusqu'au 9 novembre. Vous avez donc encore 7 jours pour aller voter. Energy.be, allez le faire, plusieurs catégories, notamment celle-ci, celle qui m'intéresse le mieux, puisque je suis assez fan de la musique électro, assez fan de la musique dance, donc évidemment que je vais voter pour le DJ de l'année. C'est l'une des catégories des NMA, Energy Music Awards. Les nominés sont Feder, David Guetta, Calvin Harris, Kaigo, les Offenbach et DJ Snake. J'ai envie de vous dire quand même pour qui j'ai voté. J'ai évidemment voté, pour moi le DJ de l'année c'est... C'est celui qui vient de France, DJ Snake, qui était encore inconnu il y a quelques années. Il mixait dans sa chambre et depuis qu'il a produit pour les plus grandes stars de la planète, c'est devenu lui aussi l'une des plus grandes stars au monde. DJ Snake est pour moi le DJ de l'année. Vous avez peut-être pas le même avis que moi, bah justement... Allez voter, énergie.be, on attend tous vos votes. Sur Énergie, on vous joue vos hits préférés, sans s'arrêter. Dans la playlist Énergie. Chaque jour à 9h et à 20h, c'est vous qui programmez, vous qui décidez. Vous choisissez les hits de votre radio préférée. Les hits Énergie, c'est vous qui les choisissez. Créez maintenant votre sélection musicale gratuitement sur énergie.be. La playlist Énergie, inspirée par vous. Un accident ? Nous venons sur place pour vous aider à remplir votre constat. Même la nuit, Corona Direct Assurance. Directement assuré, directement rassuré. Macro, Flash Info. Chef étoilé ou passionné de cuisine, entrepreneur ou bricoleur du dimanche, association ou famille nombreuse, la carte Macro est aussi pour vous.

friends, they give me bad advice, like move on, get you out my mind. But don't you think I haven't even tried? You got me cornered and my hands are tied. You got me so addicted to the drama. I tell myself I'm done with wicked games, but then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain. Oh, you stress me out, you kill me. Addicted to your drama. Maybe here we go again. Allez, je vais vous laisser avec Nico à partir de 9h. La playlist partagée, c'est vous qui choisissez tous les matins les hits qui vont passer ici à la radio. Je vous fais plein de bisous. Un grand merci à tous les auditeurs pour cette semaine de vacances. Le 6-9, toute l'équipe évidemment du Morning sera de retour lundi à partir de 6h. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve samedi à partir de 16h. Et d'ici là, j'ai pour vous Steph London. Et lui aussi, il s'appelle Bassada et il est pour vous dans la playlist énergie. Gros bisous. Day and night, Ray-Bans and clear blue skies, summer is right on time. Tattoos to remember why we belong together. Hanging on to my POI, jet ski going 55. We don't care, we do whatever. Hands up, we ain't holding on to nothing. Hands up, if we're gonna live for something, I'm down. 'Cause we'll be young forever, yeah, we'll be young forever. This is the life.